7-8 mon frère, émeraude France des hauts roms. Avec moi y'a pas de blaire, j'ai une putain d'armure. On a colis accro au my carbure, lui à la vodka. On est sans ça, moi c'est le rhum. Dans le sang, j'ai une putain de réserve. Émeraude gros cylindrée, Mike à l'armure d'acier. Percé au rhum agricole, cette boisson m'agrippe comme de la colle. En mode mariole, c'est cool, la mif, petit délire. Trop souvent les gens veulent faire les kills. La mif, tous ces allumés, tête cramée, fou allié. Quand on est fait en mode mission, on se tape des barres. On part serrer tous les alias, c'est ça les aléas. Guide par la substance hardcore à cette heure-ci. C'était qui nous tient le guide au délire. Même avec des dollars plutôt qu'avec douleur. Mon pro, les petits délires de la mif. Vas-y, dealer. Ouais, ok, deuxième couplet. La mif, présentation. Mco, Tijo, Jo, Rémi, Adri, Jesse, JJ, Hubert, Buffa et moi. Voilà la team. Ouais, la mif. Haha, c'est ça, mec. Ok, soirée avec les zincs, c'est bien pression. De tout en haut, c'est Buffalo. Les culs secs, nous on enchaîne. Inconscient, on prend des risques. Alcool, nous on consomme. Ensuite, vient la fumette. Fameux, non, mais bon, c'est la famille. 7-8, tu sais où je crèche. Trop de flow, c'est mon morceau. Non, crache pas, tu cric, cric. De braque, attention, si tu t'incrus, prévois le deuxième briquet, de peur que tu te fasses sauter le premier. Ha, on sait jamais, la mif, sacré bordel. 7-8, ro, je t'offre un bouquet, à trop vouloir tester, alcoolisé, fin de soirée en mode galette. Toi-même, tu sais où tu finis, la tête dans les toilettes. Mon cœur balance entre le pilon et le rhum d'Ilon, que j'avale comme de l'eau. Plus tard, au petit matin, sur mon état, ça en dit long. Forcément, ça te monte en l'air, la tête dans les nuages, en plein délire. Motivé, tu nages, t'es comme un ange dans les cieux. Fonce des à la substance, t'ouvres plus les yeux. En mode dodo, là tu te rendors. Réveil 15h, affolé, à tes pieds, plus une TM. Tu cherches mais tu trouves pas, t'as le seum, vénère, tu réveilles tout le monde pour entendre le cousin te dire regarde sous le lit, là tu t'éclames, ah merci, je suis retrouvé, enfilé, au pied lassé, tu tapes une pointe, toi-même tu sais, putain, boudant, un dimanche c'est dur hein. Et là, arrivé sur le quai, t'entends une petite voix à l'interphone qui dit le train défi en direction de Paris-Montparnasse subira un retard de 45 minutes. Ah les histoires, putain de merde. Fais comme une race, tu traces sur le quai, ok. Tu poses un cul, tu roules ton buzz, tu le fumes, ton train arrive. Tu montes dedans, tu te poses, tu fermes un œil et tu te réveilles vénère, car t'es parti trop loin. Prochain arrêt, Paris-Montparnasse. Ah ouais, les petits délires de la MIF, ça est solidarité quoi. La MIF 2009. Pas de galère, c'est les cousins, ok, les frères, ok, on est là, okay, okay. La mif.